Ce qui passe là, avec le prix des sucres, c'est qu'ils sont très variables. Très variables. Très variables. Les cours de la canne, ce sont des sucres sont très variables. Très fantaisistes. Oui. Et la République dominicaine a perdu beaucoup d'argent parce que nous avons vendu le sucre au-dessous du coût de production pendant plusieurs années. Et moi-même, j'ai voyagé au monde. Oui, vous me disiez l'année dernière, vous aviez été jusqu'au Japon pour... Oui, au Japon, au Luxembourg, à Paris, à Bonn, à Washington, à New York, pour faire une campagne contre les pays de la communauté européenne qui ont inondé le marché mondial avec du sucre et des très bons marchés parce que le sucre, le prix du sucre, ils ont subventionné en Europe. Et aussi les cannes à sucre obtenues dans les pays des Antilles et dans les pays de la communauté britannique. Et j'ai fait une campagne aussi contre les prix qui ont payé les États-Unis. Les États-Unis parce que ces prix ont été conditionnés par les subventions que le gouvernement américain a accordées à les entreprises américaines dévouées à l'exploitation des cannes à sucre. Mais c'est dans le... dernière année que les prix ont changé, ont monté. Et vous n'avez pas bénéficié de ça. Non. Et nous ne sommes pas sûrs que nous pourrons et à continuer à bénéficier de ces prix. Donc, de toute façon, nous sommes d'accord que les conditions des travailleurs doivent être améliorées et que les salaires doivent être osés et qu'on doit donner des logements et aussi du repas et les conditions sanitaires doivent être améliorées pour les travailleurs. Parce que il y a deux problèmes qui se posent, docteur Peña Gomez. Il y a celui des travailleurs illégaux qui n'ont pas d'identification officielle, qui n'ont pas de passeport, et il y a celui des contingents officiellement arrivés en République dominicaine. Il y a là des problèmes, il y a les travailleurs qui vont régulièrement, avec les contrats intervenus entre les deux gouvernements, et qui restent, il y a une partie qui reste toujours en République dominicaine. Pas beaucoup, mais il y en a aussi les travailleurs qui traversent illégalement la frontière et qui restent en République dominicaine. Et c'est cela qui est une source de problèmes en République dominicaine. Mais il y a un problème de surveillance de la frontière qui appartient au gouvernement dominicain. Et à l'armée dominicaine. Mais il y a aussi un problème d'amélioration des conditions de travail en République dominicaine parce que les Dominicains s'intéressent dans leur coupure de la canne à sucre. Et pour arrêter ce problème, que Dieu ratifie qui aura des conséquences négatives, futures, pour les relations entre nos peuples, pour ce qui sera exploité par la droite en République dominicaine. Quoique la droite est bénéficiaire des coupeurs de canne à sucre, parce que la droite est la propriétaire des terres, et la droite stimule, encourage cette émigration des travailleurs illégaux en République dominicaine. Parce qu'elle en profite. Parce qu'elle en profite. C'est quelque chose d'incroyable, parce que qui a besoin du travailleur haïtien? C'est pas... C'est-à-dire les travailleurs bon marché à Saint-Domingue. C'est les propriétaires des plantations sucrières, c'est les propriétaires des plantations de café, des cacao, etc. Alors même les propriétaires de fermes qui s'est dirigé à l'élevage des animaux, par exemple. Moi, je connais des amis qui élèvent des animaux Ils ont tous les capatas, c'est-à-dire les mayordomos, c'est les haïtiens. Ils payent, ils savent, c'est travailler moins qu'un travailleur dominicain. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont besoin des haïtiens, alors. Et ils les exploitent. Et ils ont besoin en même temps de les mépriser pour pouvoir dire que c'est un homme avec une qualité humaine au-dessus de la qualité humaine dominicaine pour pouvoir les exploiter, davantage. Pour pouvoir maintenir un niveau de salaire. Très bien. En même temps qu'il a besoin de cet homme haïtien, il les méprise pour pouvoir dire que c'est un homme qui est un subhumain. Que par conséquence, il ne faut pas les payer de haut prix, sinon les salaires très bas. Alors c'est un jeu incroyable. Infernal. Oui. Bon, alors, revenons à la situation politique en République dominicaine, Dr Peña Gomez. Vous avez parlé des tendances au sein du PRD, mais comment se situe en dehors du PRD la bataille politique? La bataille politique sera contre Balaguer. Balaguer continue à être un leader très puissant en République dominicaine. C'est l'héritier de Trujillo. Mais Balaguer ne peut être méprisé. Balaguer, c'est un homme très intelligent, très habile, très adroit. Et Balaguer a été fonctionnaire de Trujillo pour longtemps. Et il a gouverné le pays 14 ans. Et c'est pour cela que je suis persuadé que la prochaine lutte électorale sera menée contre Balaguer. Et les autres partis sont très faibles. Wessing. Mais il y a un phénomène très intéressant dans la politique dominicaine, et c'est que tous les partis conservateurs de droite et de la droite et feront des progrès à cause et en préjudice de Balaguer. Ils obtiendront et plus des adhérents, des partisans dans le rang de Balaguer. Par exemple, on a formé une nouvelle formation politique en République dominicaine. Neiniva. Et vous savez que tous les membres de cette nouvelle force politique seront extraits du Parti réformiste. Wessing, on dit, et je pense que c'est vrai, que le parti de Wessing est relativement fort, et la force du Parti de Wessing a été extraite du Parti réformiste. Mais vous savez que les conditions de vie du peuple dominicain ne sont pas bonnes, que la hausse constante du prix du pétrole est une source d'étabilisation de l'économie dominicaine, et qu'à cause de cela, l'investissement public est diminué, et que les gouvernements le président Guzman a eu beaucoup de difficultés à cause de cela. Et je pourrais être plus clair et lui dire que le des plus grands problèmes qui a affronté le gouvernement du président Guzman étaient des grèves. Et les deux grèves ont été créées, générées par des hausses de prix du pétrole. Les conducteurs de voitures ont fait des grèves qui ont causé 10 morts en République dominicaine, et que ce sont les 10 problèmes les plus graves que le gouvernement de M. Guzman a eu. Et à cause des drainages très forts de recours, il y a la somme d'argent que nous dépensons dans l'acquisition du pétrole surpasse les 100 millions de dollars. Mais vous venez d'avoir 100 millions de dollars. Millions, hein? Et c'est une somme qui, maintenant, nous pouvons, avec la hausse des prix du sucre, des cannes à sucre, nous pouvons payer. Mais il y a un enseignement, nous ne pouvions pas payer cette quantité d'argent. Et toutes les exportations de canne à sucre et une partie de nos exportations du café, du cacao et aussi du tabac et ont été à peine suffisants pour payer. Le pétrole. Mais actuellement, avec les nouvelles conditions qui vous sont faites par le Mexique et le Venezuela, n'y a-t-il pas une amélioration? Je pense qu'il y aura une amélioration, mais ça sera à partir de l'année prochaine. Parce que dans quelques jours que le président du Venezuela visitera la République dominicaine et qu'on signera un accord qui fera possible de profiter de l'accord mexico-vénézuélien. Comment est-ce que l'homme d'État, Peña Gómez, arrive-t-il à être parallèlement un leader populaire qui peut se démarquer du gouvernement qu'il a contribué à mettre au pouvoir, tout en constituant pas une opposition à ce gouvernement? Comment pouvez-vous être en même temps un homme d'État et un leader de parti? Parce que je suis plus un leader de parti qu'un homme d'État. Et parce que du début, nous avons prévu la situation que nous avons en République dominicaine dans ce moment. Et dans une convention qui a eu lieu l'année 1976, quand a été fixée la politique que le Parti révolutionnaire dominicain a appliquée pendant les élections de l'année 1978, j'ai fait le discours qui a démarqué la politique future du Parti révolutionnaire dominicain. Et j'ai dit clairement, et dans les documents finaux de la convention, on a ratifié ma position, parce que moi-même a participé dans la rédaction des documents fondamentaux du parti, que les prochains gouvernements de la République dominicaine, les gouvernements que j'étais sûr que sortiraient des élections de 1978, seraient un gouvernement de transition. Que ces gouvernements ne pourrait pas faire de gros changements politiques, économiques ou sociaux. Qu'il y avait beaucoup de limitations pour ces futurs gouvernements et que ces gouvernements seraient les transits pour un procès plus développé de changements politiques, économiques et sociaux. Et comme j'ai, avec beaucoup d'anticipation, 2 ans, j'ai dit cela, j'ai pu confirmer cette ligne politique aujourd'hui, et j'ai dit que ce gouvernement était un gouvernement de transition que nous n'avons jamais, que jamais nous avons promis de faire de gros changements dans ce gouvernement. Et comme les partis révolutionnaires dominicains, quoique étant les partis qui a le contrôle des masses, le plus puissant parti que la République dominicaine a eu dans toute son histoire, et quoique les partis révolutionnaires dominicains aient un parti des masses révolutionnaires très développé politiquement, le parti dominicain a été forcé par les circonstances de porter comme candidat un homme qui appartient au secteur le plus modéré du parti. Et tout le monde est d'accord que Guzman représente l'aile et la plus modérée du parti. Et tout le monde est conscient que le parti révolutionnaire dominicain a un rôle et futur à jouer dans la politique dominicaine et que ce parti n'a pas épuisé toutes ses possibilités. Avec le gouvernement, vous savez. Très bien. Je vois que cette attitude du Parti révolutionnaire dominicain est une attitude très intelligente. C'est-à-dire que le Parti révolutionnaire dominicain a choisi Antonio Guzmán, un homme modéré, qui ne signifiait pas une rupture avec Balaguer d'une manière totale, c'est-à-dire c'était radical, c'était un pas en avant. Et de cette manière, le Parti révolutionnaire dominicain peut continuer à avancer d'une manière normale dans la création d'une véritable démocratie à la République dominicaine. De notre côté, il y a une précision, docteur Peña Gómez, à donner sur votre position que vous avez exprimée il y a quelques mois concernant la réélection de Don Antonio Guzmán. Vous avez eu à Tribuna Democratica, et je l'ai rendu public à mes émissions, à prendre position sur une ligne presque doctrinale du PRD. Non, c'est une ligne doctrinale et c'est une ligne ancienne du parti. Et le Parti révolutionnaire dominicain est un parti anti-réélectionniste. Mais vous savez que dans l'histoire de la République dominicaine, comme dans toute l'histoire de l'Amérique latine, la réélection présidentielle a été une institution qui a contribué à l'avènement des dictatures. Et tous les dictatures que nous avons eues en République dominicaine ont été comme source constitutionnelle la réélection. C'est un problème constitutionnel de toute l'Amérique latine. Et au Mexique, par exemple, on a fait une révolution avec la devise « suffrage effectif non réélection ». Et nous avons eu le siècle passé et un grand parti, que c'est le parti bleu, le parti azul du grand leader, grand ami du peuple haïtien, qui a vécu ici et a obtenu l'aide du président Anissa Sagé pour faire la révolution en République dominicaine. Et un parti qui a été réélectionniste. Nous, membres du Parti révolutionnaire, nous nous considérons des héritiers de la gloire et aussi du rôle politique de ces grands partis, les continuateurs dans le temps du Parti bleu. Et c'est pour cela que le Parti azul, c'est un parti anti-réélectionniste. C'est Luperón. Grégorio. Et nous considérons que la réélection, ça serait une erreur. Mais je dois dire sincèrement que le président Guzmán n'a pas dit qu'il cherche une nouvelle réélection. Il n'a pas dit cela, et je pense que nous serons un nouveau candidat dans la prochaine élection, et que ces grands dominicains, ces grands patriotes et ces grands amis, que le président Guzmán, qui a promis de ne pas chercher une nouvelle réélection quand il a juré qu'il respecterait la Constitution de la République, qu'il fera honneur à sa parole et qu'il aidera son parti à chercher les meilleurs candidats pour gagner les prochaines élections. Pour les auditeurs haïtiens, il peut sembler un peu paradoxal que le docteur José Francisco Peña Gómez, secrétaire général du Parti révolutionnaire dominicain, le parti actuellement au pouvoir et qui a contribué à mettre au pouvoir Don Antonio Guzmán, il peut sembler paradoxal que le secrétaire général du Parti révolutionnaire dominicain soit contre la réélection du président Guzmán. Il vient d'expliquer les raisons historiques et géographiques qui donne à son parti une sorte de répugnance envers la réélection. Mais cela ne signifie pas que le docteur Peña Gómez ne travaille pas, et même très sérieusement, au maintien au pouvoir du PRD à travers un autre président de la République. Il a bien expliqué donc que Guzmán était le choix modéré pour une série de programmes et de réformes par étapes, et que la deuxième étape permettrait à un leader plus engagés dans l'exécution de ces réformes, d'accéder au pouvoir. L'anti-réélectionnisme du docteur Peña Gómez, l'anti-réélectionnisme qui empêche à Antonio Guzmán de se poser comme candidat à la réélection présidentielle, n'empêche pas au docteur Peña Gómez de vouloir le maintien au pouvoir du PRD pour l'exécution de ses réformes. Mais le PRD est traversé par des courants divers et parfois contradictoires. Laissons au docteur Peña Gómez le soin de nous expliquer comment fonctionne un parti démocratique et révolutionnaire comme le PRD et comment coexistent ces courants contradictoires. Les élections auront lieu le 16 mai 1982. Et le parti révolutionnaire continue à être la première force politique du pays. Mais il y a un danger dans le parti révolutionnaire dominicain, que c'est la lutte interne qui mène les tendances. Le factionnisme. Et le fractionnalisme dans les partis. Au présent, nous avons trois grandes tendances dans le parti révolutionnaire dominicain. La tendance du président de la République, Antonio Guzmán, qui a gagné la dernière convention. La tendance du vice-président, Jacobo Magluta, et la tendance du docteur Salvador Jorge Blanco, sénateur du district national, c'est-à-dire de la démarcation territoriale qui entoure la ville de Saint-Louis. Il y a ce que je pourrais appeler les sous-tendances dans le groupe du président de la République. Il y en a des. La maire, les puissants maires de la ville de Saint-Domingue, Franco Badia, il est très populaire. Il a dit le secrétaire de sport, Vicente Sánchez Suárez, qui est un jeune leader avec beaucoup de possibilités futures en République dominicaine, Vicente Sánchez Suárez. Et les tendances luttent fortement pour se situer dans une position de force et pour les prochaines conventions du parti qui doit choisir les prochains candidats à la présidence de la République. Et hier, au midi, j'ai fait un discours très fort. À Tribunal Démocratique. À Tribunal Démocratique, pour appeler l'attention du parti sur la nécessité de cohésionner les fils du parti et le rang du parti. La base. Les bases du parti. Non, pas les bases. Les cadres du parti pour mener la lutte contre l'opposition. Si les partis restent fortes et unis, unifiés, je crois qu'il n'a pas de doute que nous gagnerons les prochaines élections en République dominicaine. Et nous devrons mener une lutte très dure contre nos opposants, mais je suis sûr que nous gagnerons les prochaines élections. Mais il y a une tâche à accomplir que j'ai commencé à travailler dans cette direction, que c'est d'unifier le rang du parti. Et j'ai pris des mesures disciplinaires contre certains dirigeants du parti qui se sont laissés prendre par la lutte interne. Et je pense que je réussirai à maintenir unifié les partis. S'il y a d'unité dans les prochaines élections, je suis sûr que nous aurons une nouvelle victoire. Il n'y a pas de doute. Docteur Peña Gómez, vous avez défini les différentes tendances. Non, mais il y a une dernière chose que je dois dire. C'est que les partis révolutionnaires dominicains, quoique divisés par l'élite interne, a eu un renforcement considérable dans le dernier temps. Seulement, dans les derniers mois, 1500 nouveaux professionnels universitaires ont entré dans le Parti révolutionnaire dominicain. Et c'était... Adhéré au Parti révolutionnaire dominicain. Vous savez, ici, avec moi, un des plus prestigieux intellectuels dominicains, le docteur Hugo Tolentino, ancien recteur de l'Université de Saint-Domingue, historien, qui est adhéré il y a une année au Parti révolutionnaire dominicain. Et comme lui, d'autres prestigieuses personnalités ont adhéré au Parti révolutionnaire dominicain. Maintenant, je peux dire que le Parti révolutionnaire est l'unique option qu'il y a le peuple dominicain pour continuer en progression dans le chemin de la réforme sociale, des changements économiques que le parti, que le peuple dominicain réclame. Et aussi pour la consolidation démocratique. Mais, docteur Peña Gomez, vous avez défini les différentes tendances qui pourraient diviser le Parti révolutionnaire dominicain. Cependant, il y a une lacune à votre description. Ou est-ce que nous comprenons mal que le docteur José Francisco Peña Gomez ne définit pas sa propre tendance? Y a-t-il une tendance Peña Gomez au sein du parti? Je pense que la raison pour laquelle ce sera très difficile qu'il y ait une division dans le rang du Parti révolutionnaire dominicain, c'est que je suis le secrétaire général du parti. Et encore, je suis respecté par tout le monde dans le parti, mais surtout par les masses. Je pense que je continue à avoir le contrôle des masses du Parti révolutionnaire dominicain, et c'est pour cela que le parti reste unifié. Et si je continue à avoir la force que j'ai aujourd'hui, je pense que nous n'aurons pas de problème pour gagner les prochaines élections. En d'autres termes, ce que l'on pourrait définir comme le courant Peña Gomez est en définitive un catalyseur d'union et d'unité. C'est cela. Il y a des raisons pour lesquelles moi, à les contrôles des masses en République dominicaine, premièrement, parce que je suis un produit direct des masses populaires du peuple. En second lieu, parce que je n'ai pas, pour le moment, d'aspiration politique. Et je ne suis en compétition. Avec personne. Il occupe donc, le docteur José Francisco Peña Gomez, une position particulière dans la classe politique dominicaine. Il est, comme il vient de le dire, fils du peuple, issu des masses populaires dominicaines, car il est fils de paysans et de paysannes dominicains. Élevé dans la hiérarchie du parti, militant révolutionnaire dominicain anti-trouilliste, occupant actuellement l'une des plus hautes fonctions au sein du parti, capable de lui donner ce contrôle des masses, n'ayant pour le moment, comme il l'a souligné, aucune ambition politique, en compétition avec personne, le docteur José Francisco Peña Gomez a accompagné de son ami et proche collaborateur, l'ancien recteur de l'Université de Santo Domingo, le docteur Hugo Tolentino, a répondu aux questions de Radio Haïti Inter sur la situation des illégaux haïtiens en République dominicaine, l'état actuel des ouvriers haïtiens de la canne à sucre, la situation du sucre sur le plan économique et sur le plan du marché mondial, et enfin défini pour nous les positions respectives du Parti révolutionnaire dominicain et du Parti réformiste et d'autres partis d'opposition de droite avant les prochaines élections présidentielles en 1982. Thank you. Negra sauvée.